L'amour t'a mis dans un sale état. Une jolie fille te fait saliver, mais toujours de ne jamais l'aimer en tous les cas. On n'arrête pas de te dire, continue et tu vas te faire mal. Ils ont beau te parler, te prévenir, tu fais le sourd là, ça devient infernal. T'es ton rêve d'un que c'est l'air, t'arrives plus à te relever. Histoire de meuf, c'est pas bénef, par pitié, faut t'arrêter. Tu lâches un peu tes potes, même si t'es prêt à tout pour eux. Tu ressens la même chose pour une femme. Bien que t'es amoureux, tu ne vois même pas tout ce qu'elle te fait faire. Obligé de faire le sourd. Par conseil, fais gaffe à la chute, ça peut être douloureux. Si tu savais, si tu savais, oh. Si tu savais, si tu savais, oh. J'ai pris le temps de t'observer. Tu as des attitudes que tu n'avais pas. Ton comportement m'a achevé. Tu me croisais, tu retournais sur tes pas. Qu'as-tu à me dire? Des disquettes, t'en as un arsenal. Tu commences à t'affaiblir. Te voir comme ça, ça me fait mal. T'es béton, la tête de ses lèvres.